إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 4 dans le livre du Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Le titre du livre c'est Al-Adilla al-Shar'iyya li kashf al-talbisat al-hizbiyya ala al-mujtama'at al-islamiyya. Et donc on a commencé, donc on explique ce qui a rapport avec les choses qui contredisent l'islam parmi les principes de la démocratie. Et on a expliqué jusqu'à maintenant le premier point qui est le fait que ça contredit le tawhid, hein. Et le deuxième point, c'est que ça amène de la division entre les musulmans. Et on a expliqué pourquoi, on a donné des exemples, on a parlé de ça dans les deux derniers cours. Et on continue toujours dans cette même direction, Inch'Allah, dans ce même point, par rapport à la division et aux divergences que ça amène. Donc le Cheikh il dit « Wa akhraj al-Bukhari wa muslim min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عنه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية واللفظ للبخاري وقال ابن حجر رحمه الله والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم بالميتة الميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. Donc le Cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari muslim, qui fait partie des hadiths de al-Bukhari muslim. Donc c'est un hadith authentique qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque voit de son dirigeant quelque chose qu'il n'aime pas ou quelque chose qu'il déteste, alors qu'il fasse preuve de patience. Parce que quiconque se sépare de la jama'a, hein, d'une petite distance de la jama'a, et qu'il meurt dans cet état, il meurt dans un état d'ignorance, dans un état semblable à la jahiliya. Et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il explique ce hadith et il dit que la signification de al-mitat al-jahiliya, c'est que la personne elle meurt dans un état qui est semblable à l'état des gens de la jahiliya, dans l'égarement. Et elle n'a pas de dirigeant qu'elle obéit. Dans le sens que les Arabes avant l'islam, ils avaient tous des différentes tribus et avec un chef. Et chaque tribu faisait la guerre à l'autre. Il n'y avait pas un seul dirigeant qui les dirigeait tous. Donc ça c'était un exemple de la jahiliya. Il n'y avait pas d'unité politique, hein, à l'époque. Et donc cet état-là, c'est ce qu'on appelle l'état de la jahiliya. Donc quiconque meurt parmi les musulmans en s'écartant de la jama'a, du dirigeant et de la jama'a, eh ben c'est comme s'il meurt dans l'état des arabes avant l'islam, dans le sens que il meurt dans un état qui est semblable à leur état à eux. Ça ne veut pas dire qu'il meurt mécréant, ça veut dire qu'il meurt dans le péché. Ça c'est ce que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani a expliqué dans Fath al-Bari à ce sujet-là. Ensuite il dit « وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية أمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفيء لذي عهد عهده فليس مني ولست منه قال النووي ويغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة معناها أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه لها وقال محمد فؤاد عبد الباقي والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا نصر يعني يدعو ici ça se peut que ce soit غيرةً parce que le mot ici ça fait pas de sens dans la phrase يعني معنى يغضب ويقاتل ويدعو غيرةً وكذلك لا نصرة للدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فإنهم كانوا يقاتلون لمحض العصبية وقلت قال الشيخ أبو القاسم حسن بن قاسم إلزي وهذا بعينه الذي يحصل في المعركة الانتخابية فإن كل حزب ينصر حزبه ويتعصب له لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لحزبه ولهواه. Donc il mentionne un hadith qui dit, yani qui est apporté par l'imam muslim, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque sort de son obéissance pour le dirigeant et se sépare de la jama'a, et qu'il meurt dans cet état, c'est comme s'il mourait dans l'état de la jahiliya, comme on a dit dans le hadith précédent. Et quiconque combat derrière une bannière aveugle. Les ulama ont expliqué que ça veut dire quand tu te bats pour une bannière aveugle, ça veut dire que tu te bats pour une cause dans laquelle tu ne sais pas vraiment où est-ce qu'elle est la vérité, qui est pourquoi. يغضب لعصبة. Il se fâche pour sa tribu, sa nation, sa patrie. Et il appelle à un parti, ou à une nation, ou à quelque chose en particulier, autre que l'islam. Et il supporte cette chose-là. Alors s'il meurt dans cet état, c'est comme s'il mourait dans un état de la jahiliya. Et quiconque sort contre ma umma avec les armes et commence à frapper les gens sans distinction, qu'ils soient pieux ou pervers, et il ne craint pas de frapper les pieux ou les croyants parmi ma umma, ou de frapper ou de faire du tort à celui qui a une entente parmi les non-musulmans, alors il n'est pas de moi et je ne suis pas de lui. Ça c'est un hadith apporté par l'imam muslim. Et l'imam al-Nawawi explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et il se fâche pour l'asaba, l'asabiya, c'est-à-dire pour le partisanisme ou le tribalisme ou le nationalisme ou toute autre chose pour laquelle les gens se battent pour autre que pour la religion. Il se bat pas pour venir en support ou pour supporter ou défendre la religion, mais il se bat uniquement pour son peuple ou sa nation ou sa tribu ou son parti ou ainsi de suite, yani n'importe quelle autre chose qui, pour laquelle il se bat autre que pour l'islam, comme faisaient les gens avant l'islam dans la jahiliya, comme ça a été expliqué par Muhammad Fouad Abdul Baqi, il a dit la même chose. Après, le cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi, il dit que ça c'est exactement la même chose qui se passe dans les campagnes électorales. Dans les campagnes électorales, c'est ça que tu vois, les gens commencent à défendre et à supporter leur parti et à se, s'attacher d'une façon partisane à son parti et à le défendre. Et non pas à défendre la religion et la vérité, mais uniquement à défendre le fanatisme envers son parti et ses passions. وأخرج أبي عاصم والحاكم وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم بالفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة واللفظ لابن أبي عاصم. أوكي tout ça comme qu'est-ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, on doit comprendre une chose à ce sujet-là, c'est que c'est ce qui se passe dans les partis politiques dans les pays musulmans. Chaque groupe essaie de d'appeler à son, chaque personne essaie d'appeler à son parti politique et à son groupe et à le défendre d'une façon fanatique. Et ça, bien entendu, comme on a dit, ça divise les musulmans, parce qu'on est supposé d'être une umma, une seule jama'a, et non pas des différents groupes divisés. Et chaque parti essaie de ramener le plus de votes pour son côté. Donc le cheikh, il mentionne une série de hadiths qui ont tous ce sens-là. Il dit, وروى ابن أبي عاصم وغيره من حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله على الجماعة. وروى أيضا من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وروى أيضا من حديث فضالة ابن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه. الحديث. وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود وابن أبي عاصم واللفظ له من حديث زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو تحيط من ورائهم وراءهم. قلت والأحاديث في الحث على الوحدة أو وحدة الكلمة والحرص على الجماعة أكثر من أن تعد كلها ترتب الوعيد على من فارق الجماعة ولولا خشية الإطالة لاستطردت في ذكر أكبر قدر ممكن منها. أوكي دونك سافا ريبون. On va traduire ces hadiths-là qu'on a lus, puis après on va expliquer, inshallah. Le cheikh, il rapporte un hadith selon l'imam ibn Abi Asim et l'imam al-Hakim, et d'autres également, selon Omar ibn al-Khattab, qui l'a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous incite à rester avec la jama'a, à rester avec le groupe des musulmans. Et je vous avertis contre la division, car le shaytan, il est avec celui qui reste seul, et il s'éloigne plus de la personne qui, déjà qui sont deux. Si vous êtes deux, il s'éloigne un peu plus. Donc si tu es tout seul, c'est là qu'il vient sur toi. Et il dit, celui qui veut aller au paradis, alors qu'il reste avec la jama'a. Et ça c'est rapporté dans As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim et dans Al-Mustadrak de l'imam al-Hakim et c'est authentifié par l'imam al-Albani dans son takhrij du livre al-Sunnah. Après, il mentionne un autre hadith aussi rapporté par Ibn Abi Asim, authentifié par al-Albani également, et qui dit « La main d'Allah est sur la jama'a ». C'est rapporté selon Usama ibn Sharik, radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte également un autre hadith qui est rapporté selon Al-Nu'man ibn Bashir. Al-Nu'man ibn Bashir qui dit il y a trois personnes ne posent pas de questions à leur sujet. Un homme qui s'est séparé de la jama'a et celui qui a désobéi son imam, son dirigeant. Un homme qui s'est séparé de la jama'a et qui a désobéi à son imam. Ça c'est le premier qui est mentionné, ça c'est aussi un hadith qui est dans As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim. Et selon Nu'man ibn Bashir, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-jama'a rahma wal-furqatu azab » wal-furqatu azab, non c'est plutôt wal-furqa azab. Ça veut dire que le fait d'être avec la jama'a, c'est une miséricorde. C'est-à-dire, le fait d'être unis dans la jama'a, c'est une miséricorde. Et le fait d'être divisé, c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça répond à ceux qui prétendent que, l'ikhtilaf rahma. Ceux qui disent que la divergence, c'est une miséricorde. Ça, c'est une réponse à ça. Hein? Et ça c'est authentifié, hein, il est Hassan, il est déclaré Hassan par le Cheikh al-Albani dans As-Sunnah. Et il y a l'autre hadith que j'avais mentionné tantôt qui est apporté selon Fadala ibn Ubayd, lui qui dit qu'il y a trois personnes ne demandez pas à leur sujet. Le premier c'est celui qui s'est séparé de la jama'a et qui a désobéi à son dirigeant. Ok, ensuite il y a l'autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi selon Abdullah ibn Mas'ud et Ibn Abi Asim, il le mentionne également, selon Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, il dit qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va donner une récompense quelconque, une récompense à celui qui a entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a mémorisée et qui l'a transmise à autre que lui, parce qu'il se peut que quelqu'un porte une compréhension ou une science, alors qu'il porte une science mais il ne la comprenne pas, il la transporte à quelqu'un qui est plus qui a plus de fiqh, plus de compréhension que lui. Lui, il transporte ce hadith et il le transmet à quelqu'un qui a plus de compréhension de ce hadith que lui. Et c'est ça. Donc, tu peux transporter une science si tu la comprends pas. Tu la transmets à quelqu'un qui comprend plus que toi. C'est ça ce que ça signifie. Et il y a trois caractéristiques, qui sont des bonnes caractéristiques pour le cas d'un musulman. C'est le fait qu'il ait la sincérité dans son action pour Allah, le fait qu'il donne le bon conseil aux dirigeants, le fait qu'il reste avec la jama'a. Donc ça c'est des exemples de bonnes caractéristiques. Et le cheikh il dit que ça c'est des hadiths qui mentionnent le fait d'être unis, d'avoir une seule parole et de faire des efforts pour rester avec la jama'a. Et les hadiths à ce sujet-là sont très très nombreux et la menace au sujet de se séparer de la jama'a également sont très nombreux dans les hadiths. C'est très nombreux dans les hadiths. Et pour pas être trop long, le cheikh dit j'en aurais mentionné bien plus que ça, mais je voulais pas être trop long, donc je me limite à ces hadiths-là. Et c'est pour faire comprendre en fait que il n'y a pas de place dans l'islam pour qu'est-ce qu'on appelle le multipartisme. Le multipartisme ou le pluralisme politique ou le pluralisme religieux. Dans l'islam, il y a une seule jama'a et un seul groupe, il n'y a pas plusieurs groupes. Et comme on a expliqué plusieurs fois, s'il peut y avoir plusieurs associations islamiques ou plusieurs organisations islamiques, des groupes qui travaillent pour la da'wah ou pour l'islam ou pour l'enseignement ou des trucs de ce genre dans un pays musulman, à condition qu'il soit sous le contrôle du dirigeant, hein, dans le sens qu'il travaille avec le contrôle du dirigeant, il travaille dans la même, disons, ligne que la même direction que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils n'ont pas de divergence avec les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a dans la aqida et dans les principes et dans les fondements. Donc en réalité, même s'ils ont peut-être, ils sont peut-être différents dans divers endroits et ils travaillent pas tous disons ensemble en même temps, mais ils ont les mêmes bases, les mêmes principes, les mêmes fondements. C'est comme s'ils sont la même jamaa, une seule et même jamaa. C'est juste que ils travaillent sur différents plans et à différentes activités ou pour différentes organisations, mais toutes ces organisations-là sont basées sur les mêmes fondements et les mêmes principes, et toujours ils reconnaissent et ils sont soumis, disons, à l'autorité du dirigeant qui est en place. Ils vont pas faire un groupe ou une organisation ou un parti ou quelque chose pour s'opposer avec le pouvoir politique ou pour faire de la compétition avec lui. Contrairement à ce qui se passe maintenant dans les groupes islamiques, les partis islamiques et les organisations islamiques parfois, qui, chacune d'entre elles ont un manhaj différent de l'autre, elles ont une aqida parfois même différente de l'autre, elles essaient de gagner des voix et des votes contre l'autre qui est au pouvoir, hein. Même des organisations musulmanes qui... qu'est-ce qu'ils font quand il y a un problème de pauvreté ou des trucs de ce genre dans la société? Ils font des choses pour essayer d'aider les pauvres et d'aider, de venir en aide aux pauvres. En réalité, c'est juste des fois ils utilisent ce moyen-là pour gagner l'appréciation de la population, la confiance de la population, pour montrer aux gens, regardez, on fait quelque chose pour vous. Puis par la suite, quand arrive l'élection, ils disent, bon, votez pour nous parce que regardez, on a fait ça pour vous, on vous aide, on vous donne de la nourriture, on vous organise les choses. Donc c'est comme si ils font pas ça vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout pour que les gens voient ce qu'ils font et pour qu'ils soient, pour montrer aux gens que disent, regardez, on est en train de vous aider. Donc aidez-nous en votant pour nous en retour. En tout cas, donc ça c'est des exemples. Hein, comme les groupes qui existent politiques, qui sont politiques aujourd'hui, il y a les partis que vous connaissez, les Ikhwan Muslimin, Hizb al-Tahrir, Hamas, Hezbollah, eux sont des chiites, Rafidah, c'est pas pareil, mais il y a plein d'autres, hein, et donc chacun de ces partis-là, Al-Adl al-Ihsan, c'est un parti religieux, mais c'est pas un parti nécessairement politique, je pense, en tout cas pas encore, même si ils essaient de se diriger peut-être vers cette direction-là. Ah, il l'a interdit maintenant, ça y est? Ok, bon, il l'a interdit. Mais bon, en tout cas, ces gens-là, ils se font interdire, après ils essaient de revenir encore. Donc c'est toujours comme ça. Mais tout ça, c'est pour diviser la Oumma, faire de la fitna, hein, et diviser la Jama'a. Donc on va lire maintenant les paroles des salafs au sujet de la Jama'a, pour comprendre encore plus, pour voir encore plus à quel point cette notion de jama'a, elle est forte, elle est importante dans l'islam et qu'on n'a pas le droit de se diviser. Le cheikh il mentionne, il dit, « Amma al-athar fahiyya kathira aydan, kulluha tahassu ala al-hirf wal-hifad ala al-jama'a. Faman tilkum al-athar ma yali. » Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, « Amar Allah al-mu'minina bil-jama'a wa nahahum an al-ikhtilaf والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس عليكم بالجماعة عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وأيضا وقال أيضا عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. Donc on va traduire quelques citations des paroles des salaf salih parmi les sahaba et les ulama de Ahl al-Sunna qui parlent de l'importance de rester avec la jama'a et de ne pas se diviser et de ne pas diverger dans la religion. Et le cheikh il mentionne premièrement la parole d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il dit que Allah a ordonné aux croyants d'être une jama'a et il leur a interdit de se diviser, hein, de diverger et de se diviser. Et il leur a informé également que ceux qui ont péri avant eux, c'était à cause des disputes et des argumentations qu'ils avaient au sujet de la religion d'Allah. Le fait de disputer et d'argumenter dans la religion d'Allah, ça c'est souvent une cause de division. Parce que la religion c'est pas un sujet de débat. Et aujourd'hui les gens ils prennent la religion comme un sujet de débat et des fois c'est grave de constater que certaines personnes ils disent on veut s'asseoir puis on veut avoir un débat avec les koufars ou bien avec des groupes de bid'ah sur l'islam. Mais quel débat? Il y a pas rien à débattre. Le Coran et la Sunna Le Coran et la Sunna, ils sont clairs. Et celui qui est mu'min, il entend et il obéit. Il se soumet à l'ordre d'Allah et à l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait pas de débat et d'argumentation, alaykum salam, sallallahu, par rapport à la vérité. Il se soumet, il accepte. Mais aujourd'hui, c'est comme si les gens ils parlent, ils disent on veut débattre, on veut argumenter, hein. Et c'est bizarre des fois quand tu entends que des gens veulent proposer aux koufars de rentrer dans des débats avec eux sur des questions comme le hijab ou sur des questions comme d'autres questions de ce genre. Alors pour nous les musulmans on n'a rien à débattre, la question sur ce sujet là elle est claire, hein. On a juste à accepter et à se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de débat pour nous les musulmans. Si eux les koufars, ça leur plaît pas, ben c'est leur problème, à eux. Parce que nous en tant que musulmans, peu importe, on est obligé de respecter et d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas vraiment de débat possible à ce sujet-là. Si ils veulent comprendre le hijab et la sagesse qui est derrière, pour leur expliquer ça, et on peut peut-être leur expliquer, mais de faire des débats, puis d'essayer d'argumenter quoi, hein, il n'y a pas d'argumentation à ce sujet-là, non. Exactement, on se demande vraiment, ils veulent débattre de quoi ces musulmans-là avec ces gens-là. Oui, c'est ça, philosophie peut-être. Donc c'est dangereux parce que des gens commencent à rentrer dans la religion, puis des fois tu donnes à quelqu'un des preuves du Coran et de la Sunna pour lui montrer que dans l'islam il faut faire telle ou telle chose ou croire de telle ou telle façon. Et puis lui, il te répond et il dit, mais c'est pas logique. Hein? Ou bien il essaie de s'opposer au verdict ou à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa raison, et c'est ça qui amène qui ouvre la porte au shaitan et à la fitna, hein. On a parlé de ça dans d'autres sujets quand on a expliqué dans d'autres cours, mais c'est juste en passant par rapport à cette citation là. Cette citation, vous la trouvez rapportée dans Al-Sharia de l'imam Al-Ajuri, et également elle est mentionnée par l'imam Al-Shatibi dans Al-I'tisam. L'imam Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, c'est un sahabi, hein, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, « Oh vous les hommes, je vous incite à rester à l'obéissance et à la jama'a, parce que c'est la corde d'Allah, ou bien le câble d'Allah, ou bien le câble que Allah a ordonné de vous accrocher, il vous a ordonné de vous y accrocher à ce câble. Et ce que vous détestez dans l'unité ou dans la jama'a est meilleur que ce que vous aimez dans la division. Ça, pensez bien comme il faut à cette citation-là, et puis vous allez voir qu'il y a une grande sagesse dedans. Quand Abdullah ibn Mas'ud dit ce que vous aimez dans ce que vous détestez ou ce que vous n'aimez pas dans l'unité ou dans le fait d'être uni, eh bien c'est meilleur que ce que vous aimez dans la division. Et des fois les gens ils voient le mal ils voient un mal dans lequel ils sont et ils s'imaginent que le mieux ce serait par exemple de se séparer de la jama'a, et quand la jama'a est divisée, là après il réalise que le petit mal qu'il avait avant, il est rien par rapport à la fitna qui arrive par la suite après la division. Donc ça c'est un exemple. Et il dit aussi, je vous incite à rester avec la jama'a, parce que la main d'Allah est avec la jama'a. قال وقال أبو مسعود الأنصاري Donc toutes ces citations-là sont dans des livres différents. La première c'est dans Al-Ajuri, dans la Sharia de l'imam Al-Ajuri, et l'autre, Alaykum al-Jama'a, فإن يد الله على الجماعه, c'est dans Al-Ba'ith على إنكار البدع والحوادث de l'imam Abi Shama. Et قال أبو مسعود الأنصاري عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة فاصبر حتى تستريح أو يستراح من فاجر. وقال أيضا إياك والفرقة فإن الفرقة هي الضلالة. دونك أبو مسعود الأنصاري يزي reste avec la jama'a parce que Allah ne va pas réunir la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'égarement. Et sois patient jusqu'à ce que tu aies le repos ou jusqu'à ce qu'on ait le repos par rapport à un homme pervers. Comme par exemple, Allahu a'lam aussi, il y a un dirigeant qui est pervers ou qui est injuste. Ne sois patient jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne le repos par la suite, soit en mettant quelqu'un meilleur que lui par la suite, ou bien soit en l'aidant à s'améliorer et à se corriger dans ses erreurs. Après, il mentionne, il dit, dans une autre citation de lui, « Et prends garde à la division, car la division, c'est l'égarement. » « Wa qala l'imam al-ajuri, bal amarana عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. Donc ça c'est dans الشريعة الإمام الأجري الذي que Allah nous a ordonné de rester avec la jama'a et nous a interdit de nous diviser. De même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, nous a averti contre la division et nous a ordonné d'être unis, d'être une jama'a. De même que nos imams de l'islam, parmi ceux qui nous ont précédés et parmi les ulama des musulmans, ils nous ont tous ordonné de rester avec la jama'a et ils nous ont interdit la division. الإمام الطحاوي إلذي ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. فصل dans le شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي. Donc il dit, on voit que la jama'a, l'unité, c'est la vérité et le bien. Et al-furqa, la division, c'est la déviation et le châtiment. Donc ça c'est des exemples. Il y en a d'autres encore. Le cheikh il dit, وقال أبو محمد البربهاري, l'imam البربهاري, il dit, اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر فمن السنة لزوم الجماعة فمن راغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. Donc l'imam al-Barbahari il dit dans Sharh al-Sunnah, sachez que l'islam c'est la sunna, et que la sunna c'est l'islam. Et sachez qu'un ne peut pas tenir sans l'autre. Et parmi les articles de la sunna, il y a le fait de s'accrocher à la jama'a, de rester avec la jama'a, et donc quiconque désire autre que la jama'a, et qui se sépare de la jama'a, alors c'est comme s'il a retiré de son cou le collier de l'islam. Hein, c'est comme s'il a retiré de son cou le collier de l'islam, et il est un égaré et un égareur. Et قال الشيخ مقبل الواضعي رحمه الله هذا محمول على أنه خرج من الجماعة والسنة وليس معناه أنه أنه كافر خارج من الملة. Okay. Donc l'imam al-Barbahari quand il dit وَقَدْ خَلَعَ رِكْبَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ, il a retiré le collier de l'islam de son cou, ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam et qu'il est kafir, non, ça veut juste dire que il a quitté la jama'a et la sunna, et donc il risque de s'égarer. Pourquoi? Parce que l'islam, comme le Cheikh Fawzan il expliquait ça, il disait l'islam c'est comme il te protège. L'islam, c'est ta protection, et la sunna, plutôt la sunna, c'est ta protection contre l'égarement. Et le fait de rester avec la jama'a, c'est ta protection contre l'égarement. Parce que quand tu restes avec la jama'a, c'est comme si tu étais accroché, comme un mouton qui est accroché avec un collier. Hein? Il est accroché. Mais donc, il va pas s'égarer, il va pas aller loin de son troupeau. Il va rester. Et donc, il risque pas de se faire attaquer ou de se faire manger par un loup ou une bête. Toutefois, si on lui retire son collier et qu'il part tout seul, eh ben là, il devient la proie de toutes les bêtes sauvages qui peuvent le manger. Donc, c'est ça l'exemple de Rikbat al-Islam. Et il dit, قلت والآثار في الحث على الجماعة وترك الفرقة وذمها وترك الفرقة وذمها كثيرة, وإنما أوردت بعضا منها للتمثيل لا للحصر, وعسى أن تجد قلوبا واعية وأذانا صاغية تعي ما يلقى إليها فتلزم الجماعة وتترك الفرقة والاختلاف اللذين هما من آثار الانتخابات. Le Cheikh il explique que donc tout ça c'est des citations qui incitent à rester avec la jama'a. Et comme vous avez vu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il utilise toujours le terme au singulier, la jama'a. Les sahaba quand ils parlent, il utilise toujours le terme au singulier, al-jama'a. Ça veut dire qu'il n'y a pas des jama'at, il n'y a qu'une seule jama'a. Ok? Et c'est ça ce qui nous fait comprendre que dans l'islam, tous les musulmans doivent être une seule et unique jama'a, et non pas de se diviser en différents groupes et différentes jama'a. Maintenant, le Cheikh explique al-muradu bil-jama'a. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot jama'a? Là, on va l'expliquer ce que ça veut dire jama'a. En arabe, le mot jama'a, ça veut dire groupe. Hein? Jama'a, ça veut dire groupe, ou des gens réunis, des gens rassemblés ensemble. Maintenant, dans le contexte de l'islam et de la sunna, ça a une autre signification plus précise, hein, plus définie, plus spécifique. Et donc, on va lire qu'est-ce que le Cheikh a dit à ce sujet-là. Et en passant, il dit que les citations qu'il a mentionnées, c'est des citations, il y en a beaucoup, il en a juste mentionné quelques-unes. Et il dit que, en fait, dans les élections, puis dans la démocratie, eh ben, ça appelle les musulmans à se diviser et à sortir de la jama'a, hein, et à quitter la jama'a. Après, il dit « Wa akhraj ibn Majah fi sunanih min hadith Awf ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وفيه والذي نفس محمد بيده لا تفرقن أمتي على لا تفترقن أمتي على 73 فرقة, واحدة في الجنة وثنتان 70 في النار. قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة ok donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon l'imam Ibn Majah dans son Sunan selon Auf ibn Malik رضي الله عنه il a dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith là il y a par celui qui tient l'âme de Mohammed en sa main, vous allez, ma Ummah va se diviser en 73 sectes, une seule sera au paradis et 72 seront en enfer. On a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, laquelle est-ce que ce sera, ou qui seront-ils au messager d'Allah, le groupe qui va être au paradis, il a dit, c'est la jama'a, c'est le groupe, la jama'a. Et ce hadith-là est rapporté selon Ibn Majah dans le hadith de, dans le chapitre de Al-Fitan, Iftiraq al-Umam, et il a été déclaré sahih dans, par l'imam Al-Albani dans Sahih Ibn Majah. Ensuite, il mentionne une autre riwaya, il dit, wa akhraja al-riwaya, wa akhraja al-riwaya al-Tirmidhi mufassiran min jama'a min hadith Abdullah ibn Amr. رضي الله عنهما وفيه ما أنا عليه وأصحابي. يعني narration qui est rapportée par l'imam al-Tirmidhi qui explique la signification de al-jama'a, c'est selon Abdullah ibn Amr, et cette narration là elle dit ce que je suis moi ainsi que mes compagnons. Donc la jama'a c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi et ses compagnons, c'est ça la jama'a, c'est le groupe, c'est de suivre ça. Et ça c'est rapporté aussi par, bon, comme on disait, par l'imam al-Tirmidhi, et il est aussi rapporté, déclaré, il est rapporté Hassan, il est déclaré Hassan par le Cheikh al-Albani dans Sahih al-Tirmidhi. قلت فتبين من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الجماعة بما كان عليه وأصحابه وهو موافقة الحق وعلى هذا جرى تفسير السلف للجماعة. Donc, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la jama'a en expliquant que c'est de suivre ce qu'il suivait lui-même ainsi que ses compagnons. Et c'est-à-dire de respecter et de suivre la vérité. Donc, si tu as suivi la vérité, c'est toi qui es sur la jama'a, tu es avec la jama'a. Et c'est comme ça que les salafs ont expliqué la signification de al-jama'a. Le cheikh il dit, wa qala Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فسي رابورتي par l'imam al-Lalakai شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة avec le terme طاعة الله يعني تفسير الجماعة فإنزي طاعة الجماعة طاعة الله et donc ok il dit regarde dans Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'a wal-Hawadith de l'imam Abi Shama et c'est authentifié par l'imam al-Albani dans Mishkat al-Masabih. Bon, qu'est-ce que ça veut dire la parole de d'Abdullah ibn Mas'ud ici qui explique la jama'a? Il dit la jama'a c'est d'être sur la vérité même si tu es tout seul. Et dans une autre narration ça dit la jama'a c'est l'obéissance d'Allah, même si tu es tout seul dans cette chose-là. Après, il dit, wa qala Abu Issa al-Tirmidhi, l'imam al-Tirmidhi, il dit, wa tafsir al-jama'a, عند أهل العلم, هم أهل الفقه والعلم والحديث. Abu Issa al-Tirmidhi, l'imam al-Tirmidhi, il dit dans son sunan, l'explication de la jama'a, selon les savants, ils sont les gens du fiqh, de ilm et de hadith. Ce sont les gens de ilm, de fiqh et de hadith. Ce sont, c'est ça. Donc ce sont eux qui sont la jama'a. C'est-à-dire, ce sont eux qui sont à la tête de la jama'a. C'est ça. Les gens de ilm, de fiqh et de hadith, ce sont eux qui sont à la tête de cette jama'a. قال البربهاري والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. في rapporté dans شرح السنة l'imam al-Barbahari il dit la base sur laquelle elle est basée c'est la jama'a c'est les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Allah leur fasse tous miséricorde, et ce sont eux qui sont les qui sont ahl sunnati wal jama'a. Donc celui qui ne prend pas d'eux, alors il s'est égaré et il a innové, il a fait des bid'ah, une bid'ah. وقال أبو شامة وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. أبو شامة الديبا الباعث على إنكار البدع والحوادث يدي que lorsqu'on voit l'ordre de s'accrocher à la jama'a, ça veut dire de s'accrocher à la vérité et de la suivre. Même si les gens qui s'y accrochent sont peu nombreux et les gens qui contredisent, qui la contredisent sont nombreux, sont peu, sont beaucoup, hein. Donc ça c'est un autre point aussi, parce que vous voyez des fois quand il y a des gens qui critiquent certaines personnes parce qu'ils sont en train de suivre quelque chose, ils disent « Ah, il y a un groupe minoritaire qui font ça, qui disent ça ». Et ça c'est comme s'ils essaient de dire que, étant donné que c'est un groupe qui est minoritaire ou qui est petit en nombre, donc automatiquement ça veut dire qu'ils ne sont pas sur le droit chemin, ou qu'ils ne sont pas en train de pratiquer ce qu'ils sont supposés de pratiquer. Et ça c'est faux, c'est une mauvaise compréhension, alhamdoulilah. Parce que le nombre n'a rien à voir, ou n'est pas un facteur de vérité. Que des gens peuvent être très très nombreux et être sur l'égarement. Et d'autres peuvent être, une personne peut être seule et être sur la vérité. D'accord ? Et ça ne veut pas dire non plus que c'est, si quelqu'un il dit bon moi je suis on est un petit nombre puis on suit ça, tandis que la majorité suit autre chose, ça veut dire qu'on est sur la vérité. Ça ne veut pas dire ça non plus. L'important c'est pas la quantité, est-ce que tu es beaucoup ou tu es peu. L'important c'est est-ce que tu es sur la vérité ou non. C'est ça qui fait la différence. Donc le fait que vous entendiez des gens qui disent la majorité des musulmans font ci, où la majorité des musulmans ne font pas ça ou font ça, ça c'est pas un facteur qui détermine s'ils sont sur la vérité ou non. Là, le facteur c'est de suivre la vérité qui vient d'Allah et de son messager. لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, regardez, si vous êtes en train de vous accrocher à la vérité et que vous êtes peu, et que ceux qui s'opposent à vous sont nombreux, eh ben, ça ne dérange pas, il faut vous accrocher à cette vérité-là, parce que la vérité, c'est, la vérité sur laquelle se tenait le premier groupe de musulmans à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est ça qui est la vérité. Ce que suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses sahaba, c'est ça la vérité. Tout ce qui est contraire à ça, c'est le mensonge, même si les gens d'aujourd'hui qui suivent ça sont peu nombreux, ça ne change rien. C'est eux qui sont sur la vérité, c'est ceux qui sont sur la vérité, c'est ceux qui suivent cette base-là ou cet exemple-là. Et il dit, donc c'est ça. Après il dit, « وقال ابن تيمية هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وما كانوا شيعة فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة خارجون عن الجماعة قد برأ الله نبيه منهم. فصيغة فقطة من هج السنة النبوية. الزيب لماذا ابن تيمية الزيك لهذا الجماعة سوى ceux qui sont réunis et qui ne se sont pas divisés dans la religion et qui ne sont pas des sectes, qui ne sont pas devenus des sectes. Donc ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes sont sortis de la jama'a, et Allah a innocenté ou a désavoué afin que son prophète est innocent de ceux-là. Ceux qui se sont divisés dans la religion et qui ont, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ceux qui se se sont divisés dans la religion et qui ont fait des sectes dans la religion. Ceux-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à voir avec eux, comme Allah le dit dans le Coran. وقال محمد خليل هراس الجماعة في الأصل القوم المجتمعون المراد بهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصدى شرح العقيدة الوسطية شيخ محمد خليل هراس il dit que la jama'a à la base c'est des gens qui sont réunis et qu'est-ce qu'on veut dire par la jama'a, c'est les salafs de cette umma, parmi les sahaba, les tabi'in, ceux qui ont étudié avec les sahaba, et qui se sont réunis sur la vérité claire du Coran et de la sunna, du livre d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, « Qala Sheikh Bakr Abu Zayd, wa qad samma al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Muslimina bil-jama'a, l'ijtima'ihim ala l'itiba' دون الابتداع وعلى التآخي دون الافتراق. Donc il dit que Cheikh Bakr Abu Zayd a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé les musulmans par la jama'a. قد سمى المسلمين بالجماعة لاجتماعهم. Il les a appelés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les musulmans la jama'a parce qu'ils se réunissent sur le fait de suivre la sunna et de ne pas faire des bid'ah, et de se réunir, d'être comme des frères, et de ne pas se diviser. Donc ça c'est dans Hukm al-Intima. Et le Cheikh Hassan ibn Qasim, l'auteur du livre, il dit « Qultu fatabayyana mimma taqaddam, anna al-murad bil-jama'a as-sahaba wa tabi'un » Donc ici, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Rina? Il dit, Cheikh Hassan ibn Qasim, il dit, « قلت فتبين مما تقدم أن المراد بالجماعة الصحابة والتابعون وأتباعهم بإحسان الذين هم السلفيون أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر الطائفة الناجية المنصورة حيث أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال من أمتي ظاهرين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Le Cheikh il explique qu'on a donc compris que la signification de la jama'a ce sont les sahaba, les tabi'un, ceux qui nous ont suivis de la meilleure manière, et ce sont les salafiyoun, أهل السنة والجماعة، سسون السلفي، سسون أهل السنة والجماعة، سسون أهل الحديث والأثر، سسون الطائفة المنصورة الناجية، le groupe sauvé et victorieux، et les gens du hadith et de l'athar. Donc ça c'est pour vous dire la définition de أهل السنة والجماعة. En fait la définition de la jama'a c'est ça, ce sont les sahaba, les tabi'un et ceux qui les ont suivis dans le bien, les salafiyoun, ahlul sunna, ahlul hadith wa l'afar, ta'ifatul mansoura wa al-najia. Et il dit, il mentionne un hadith rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon Thawban, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera victorieux sur la vérité, nul ne pourra leur nuire, c'est-à-dire ceux qui vont les abandonner ne pourront pas leur nuire en rien jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah et ils seront toujours victorieux. Donc ça c'est un hadith authentique et ça explique ce que le Cheikh a mentionné, qu'il y aura toujours jusqu'à la fin des temps ce groupe-là qui reste sur la vérité. Depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont continuer à exister jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Donc à toutes les époques, il y aura toujours un groupe qui sera sur le haqq, parmi les musulmans. Parmi les musulmans qui sont égarés, qui sont déviés ou qui ont perdu la compréhension correcte de l'islam, il y aura toujours, à toutes les époques, dans tous les siècles de l'islam, un groupe de la umma qui va être sur le haqq, qui va être sur la vérité. Et donc c'est à nous de le trouver, de le chercher, de connaître ses caractéristiques, de connaître ses principes, ses fondements, ses croyances. Et de s'accrocher à ce groupe-là. Donc le Cheikh dit wa akhraj at-Tirmidhi min riwayat Muawiyah ibn Qurra عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. Il mentionne le même hadith qui est rapporté par dans At-Tirmidhi selon Muawiyah ibn Qurra selon son père qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura toujours un groupe de la Umma qui sera victorieux et ceux qui les abandonnent ne pourront pas leur nuire jusqu'à ce que soit établi leur. Et ça c'est donc rapporté dans At-Tirmidhi et il est authentifié par Cheikh Al-Albani. وقال كثير من السلف إن المراد بالطائفة المنصورة أهل الحديث. Beaucoup des salafs ont dit que ce qu'on désigne quand on dit le groupe victorieux, c'est les gens du hadith, les savants du hadith, ashab du hadith. Ok, ce sont eux. Et on va vous donner des, le chef il nous donne des exemples, des citations des salafs qui montrent ça. Il dit, فمن ذلك ما قاله يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. Donc Abu Yazid ibn Harun c'est un des imams des salafs, de même que l'imam Ahmad ibn Hanbal, tous les deux ils ont dit si ce ne sont pas les gens du hadith, alors je ne sais pas qui ils sont. Hein? Donc c'est pour dire que ce sont à la tête à la tête de la jama'a, il y a les ulama de hadith. Après les sahaba, il y a les ulama de hadith, ahlul hadith. Et il mentionne une autre citation. قال عبد الله بن المبارك هم عندي أصحاب الحديث. عبد الله بن المبارك qu'on appelait Amir al-Mu'minin fil hadith, le prince des croyants dans le hadith. Il vivait à l'époque de l'imam Malik, un des contemporains de l'imam Malik et un des grands savants de l'islam. Il dit, pour moi, ce sont les gens du hadith. Le groupe victorieux sont les gens du hadith. قال أحمد بن سينان هم أهل العلم وأصحاب الآثار. أحمد بن سينان il dit, ce sont les gens de ilm et les gens qui ont suivi les athars, c'est-à-dire les hadiths et les paroles des sahaba, et les paroles du prophète et les paroles des sahaba. وقال علي بن المديني هم أصحاب الحديث. علي بن المديني في أحد الغرز ما في الحديث على طرد الإمام أحمد il dit ce sont les gens du hadith, le groupe victorieux c'est les gens du hadith. وقال البخاري يعني أصحاب الحديث. الإمام البخاري il dit ce sont les gens du hadith. قلت والمقصود بأهل الحديث المشتغلين به مع الاتباع الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام محمد الإمام حسن بن الشيخ حسن بن قاسم qui a écrit ce livre, il dit qu'est-ce qu'on veut dire par les gens du hadith, c'est ceux qui travaillent, qui s'occupent du hadith et qui le suivent sincèrement, ils suivent sincèrement le prophète صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Ça c'est rapporté dans Majmu' al-Fatawa, le Imam Ibn Taymiyyah il dit, on ne veut pas dire seulement par les gens du hadith, ceux qui se limitent à l'écouter, le hadith, à l'étudier, à l'écrire ou à le transmettre. On veut dire par le hadith, toute personne qui serait plus méritant de l'écouter, de le connaître, de le comprendre en apparence et c'est-à-dire de le comprendre ظاهرًا وباطنًا intérieurement et extérieurement et واتباعه باطنًا وظاهرًا et de le suivre intérieurement et extérieurement, c'est-à-dire dans son cœur et dans ses gestes et dans ses paroles, de même qu'ils sont Ahlul Qur'an, de même que Ahlul Qur'an c'est eux aussi. Quand on dit Ahlul Qur'an, quand on parle d'Ahlul Hadith, on parle bien entendu aussi d'Ahlul Qur'an, des gens qui suivent le Qur'an. Et quand on parle d'Ahlul Qur'an, on ne parle pas seulement ceux qui ont mémorisé le Qur'an et qui connaissent les qira'at et tout ça, mais tous ceux également qui l'appliquent et qui sont sincères, qui le méritent, qui mériteraient de le mémoriser, de le connaître, de le comprendre, et etc. من أقوال العلماء فخلص من أقوال العلماء أن المقصود بالجماعة التي يأثم المسلم بمفارقتها هم جماعة المسلمين الذين على رأسهم إمام وهم من تقدم ذكرهم وهذا القول محكي عن ابن جرير الطبري رحمه الله. Ok, pour résumer, après avoir expliqué les paroles de ces, après avoir lu ces paroles de ces ulama, on peut comprendre que la jama'a que les musulmans doivent suivre, et que s'ils ne le suivent pas, ils font un péché, en se séparant de cette jama'a, ce sont, ou bien c'est le groupe des musulmans à la tête duquel il y a un imam ou un dirigeant, un groupe de musulmans à la tête duquel il y a un guide, un chef, un dirigeant, c'est ça que ça veut dire, et c'est ceux, c'est ça qu'on a mentionné, ce sont ceux qu'on a mentionné, et cette parole-là est rapportée par Ibn Jarir, rahimahullah. وأختم الكلام على هذه المفسدة بما قاله الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري. Donc dans tout ce qu'on a lu maintenant, on a vu que la jama'a, elle est claire, elle est bien désignée, on sait qui elle est, et on doit s'y accrocher, on n'a pas le droit de se diviser de cette jama'a, d'accord. Et le fait d'appeler à des groupes et à des partis, ça amène les musulmans à se diviser, hein, politiquement, et donc ça crée des problèmes et des divisions. Le cheikh il dit أختم الكلام, donc il va terminer cette, ce point-là avec une citation du cheikh Safi al-Rahman al-Mubarak Fouri. Et c'est avec ça qu'on va terminer pour aujourd'hui. Le cheikh il dit وهذا غيب من فيض وفرض من عد مما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلمين ومما أوجب عليهم الإسلام وما أوجب عليهم الإسلام من الارتباط والتعاون فيما بينهم والولاء الذي ذكره الله في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهو نوع من الرابطة يفوق كل أنواع البر والتعاون والإحسان وهذا التولي هو أساس ارتباط المؤمنين فيما بينهم والقيام بهذا الولاء والالتزام به هو معنى لزوم الجماعة والتخلي عن هذا الولاء يعني الخروج عن دائرة التنظيم الإسلامي والرجوع إلى التفرق الجاهلي. قلت من خلال قلت يعني الشيخ حسن بن قاسم البي ومن خلال ما تقدم من خلال ما تقدم ذكره من الأدلة يتضح لنا فداحة ما تؤول إليه أمر الانتخابات من انتهاك صريح لما تدل عليه تلك النصوص وقد حذر الله تعالى من مخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Donc il dit le cheikh, pour terminer la parole de Safi al-Rahman al-Mubarak Fouri, il dit, donc ça c'est juste une goutte, hein, et un peu de, parmi beaucoup, de ce que le prophète Hassan nous a indiqué, parmi les droits qu'ont les musulmans, et parmi les choses que l'islam nous ordonne, hein, de nous commande, ou nous oblige de garder, comme les liens et la coopération entre nous, entre les croyants, et de s'allier ensemble, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, et les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Et donc ça c'est un lien ou une catégorie, une sorte de lien qui existe entre les croyants, qui est au-dessus de toute autre forme de bonté ou de coopération ou de bienfaisance. Et le fait de s'associer ou de s'allier sur cette base-là, ça c'est obligatoire pour les croyants, entre eux. Hein. Et le fait de s'allier comme ça et de s'unir et de rester ensemble, c'est ça ce que signifie le fait de rester avec la jama'a. Et de se séparer de cette alliance-là, ça signifie de sortir du cercle de l'organisation islamique et de revenir à la division de la période pré-islamique. Hein? Donc ça c'est pour nous faire comprendre, donc comme cette citation-là du cheikh, c'est pour nous faire comprendre comment les musulmans doivent être unis aujourd'hui, et comment c'est important pour eux d'être unis. Mais la division entre les musulmans, elle a commencé depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau, et donc les musulmans se sont divisés à travers les siècles à cause des innovations, à cause des bid'ahs, à cause des péchés. Et donc pour régler ces problèmes qui existent de division entre les musulmans, eh bien la seule façon de les régler, c'est pas en faisant des partis politiques et en rentrant dans la démocratie, mais c'est plutôt en revenant à la sunna, en revenant au Coran et à la sunna, et en essayant de le suivre et de l'appliquer comme les premiers musulmans l'ont fait. Et si on suit ça, c'est certain que, Inch'Allah, Allah va réunir nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné même, moi je rajoute ça là, parmi les exemples que Allah dit dans le Coran à propos des musulmans avant, des gens avant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Aws ou Al-Khazraj, ils étaient toujours en guerre. Deux tribus à Médine, c'était toujours en guerre l'une contre l'autre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés à l'islam, ils sont devenus comme des frères. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le Coran. Il dit, c'est dans Surat Ali Imran, je crois. Quand le tawhid, hein, il y en a qui disent que le tawhid, c'est pas ça qui nous unit. Ça, c'est juste des repères sur la route. Mais ça, c'est une mauvaise compréhension. Hein. Au contraire, c'est bien, si c'est pas le tawhid qui nous unit, il n'y a rien qui nous unit. En réalité. Et donc, si on veut s'unir, c'est le tawhid, le Coran, la sunna, les bases, c'est ça qui nous réunit et c'est ça qui fait qu'on est des frères. C'est ça qui fait notre fraternité. Et ensuite, le reste, c'est des petits détails. Hein? Donc ça c'est important à comprendre. Et donc, le cheikh il dit, donc, Hassan ibn Qasim il dit, à travers tout ce qu'on a mentionné comme preuve à ce sujet-là, au sujet de la division, on peut voir que, c'est clair que ce que ramène la démocratie comme division, eh bien ça vient en contradiction totale avec les preuves claires qui sont dans ces textes là du Coran et de la Sunna, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a avertis de ne pas contredire son commandement et son ordre et l'ordre de son messager dans le verset 63 dans Surat An-Nur, et ceux qui contredisent son ordre, son commandement, prennent garde que tombe sur eux une fitna ou bien que tombe sur eux un dur châtiment. Donc ça c'est un verset important, et donc à ce sujet-là il faut bien comprendre. Pour terminer, comme conclusion de ce point-là, il faut bien comprendre que les musulmans, ils doivent rester unis comme on a dit, sur la vérité, sur al-haq, de ne pas se diviser en parties et en groupes. Les koufars, ils aiment encourager la division. Et ils aiment encourager les musulmans à entrer dans le jeu de la démocratie pour mieux les diviser, multiplier parmi eux les divergences d'opinion, les divergences de position, les divergences idéologiques et toutes sortes d'autres divergences, et les éloigner des bases de leur religion et du Coran et de la Sunna. Donc il ne faut pas que les musulmans se laissent tromper par ces faussetés-là. Et ils doivent être fermes sur la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui s'accroche au Coran et à la Sunna, il est protégé contre l'égarement. Et ceux qui s'égarent, et ceux qui divisent les musulmans souvent, c'est les gens de Bid'a. Parce que eux, ça fait leur affaire qu'il y ait des élections, qu'il y ait de la démocratie, parce que ça leur permet de propager leur bid'a et d'essayer de prendre le contrôle pour essayer d'établir par la suite leur égarement avec par ce moyen-là. Donc il y a beaucoup de choses qui restent à venir sur toute cette question. Pour aujourd'hui, on va se limiter à ça, inshallah. Subhanahu wa ta'ala wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.